Nous avons là une sélection d'épices. Donc, comme vous le savez, traditionnellement pour la choucroute, certaines épices sont plus utilisées que d'autres. Mais dans le cadre du Ferment Lab, on voulait promouvoir l'idée de, voilà, de quand on fait ces ferments soi-même, on peut aussi décider d'utiliser des épices différentes et tester différents goûts comme ça, vraiment en toute liberté.